pour revenir à une petite licence très anonyme, on va dire. Je suis en train de rire. Est-ce que ça te dit quelque chose de Star Wars déjà, de premier jeu? Star Trek, ah ouais, j'adore Star Trek Discovery. Unta, unta, solos. Tu veux tirer le premier? Après toi. Donc, il n'y a pas très longtemps, Disney Plus qui a proposé un petit court-métrage de 45 minutes. Donc, qui était un petit peu un hommage à l'épisode Holiday Special, tu sais, le film qui était sorti après celui de 77. Ah, George Lucas est formel, ce film n'existe pas. C'est vrai que il a dit lui, il va brûler toutes les copies. Il va brûler toutes les jusqu'à copies. Jusqu'à la dernière. Il va devoir brûler Internet. Mais il a oublié quand même qu'il y a Internet et qu'il y a le partage sur Internet. Donc, Holiday Special, c'est une pièce d'or pour les fans de Star Wars quelque part. Hein. Ouais, c'est d'or maudit. Même si c'est très mauvais, t'as des gens, les effets spéciaux sont catastrophiques. T'as le retour quand même de Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford. Version Playmobil, hein, parce qu'il est figé dans le temps. Hein, ça se voit qu'il sortait d'un accident. C'est vrai qu'il y a un problème avec Mark Hamill, j'ai remarqué aussi. Mais ils sont revenus tous les trois pour nous faire une espèce de comédie musicale sur Kashyyyk où ils devaient fêter le jour de la vie avec leur ami Chewbacca. Puis là, t'as toute la famille Chewbacca qui débarque et qui parle, mais on comprend rien, et puis en plus, ça dure des heures. Il regarde des télés bizarres, des programmes bizarres, et il y a juste un truc qu'il faut sauver dans ce téléfilm, c'est justement la partie animée où on voit pour la première fois Boba Fett, qui intervient lors d'un... pour sauver justement le... On va parler de Boba Fett, on va plus le tenir. Attention, le fanboy descend lentement, faut pas me parler de TIE Fighter, parce que là... Non, pas. Ça va dégénérer. Donc on parle pas de TIE Fighter, on en parlera tout à l'heure un peu longuement. Donc il y a ce Boba Fett qui apparaît avec son costume bleu, parce qu'à l'origine ils ont dessiné Boba Fett avec un costume bleu, et il y a cette partie animée qui est très intéressante, qui était sympathique, qui dure pas longtemps, mais c'est vraiment la meilleure partie du téléfilm, parce que tout le reste c'est vraiment moche. Et puis puis en plus il y a une histoire avec Lucas, c'est que il contrôlait pas tout ce qu'il faisait. Apparemment la Fox l'aurait fait derrière son dos, et quand il a vu le résultat final, il était un petit peu comme Palpatine, il a commencé à hurler, il a balancé des éclairs partout, quoi. Voilà quoi, ce qui s'est passé avec le George. Mais voilà quoi, donc c'était un petit peu pour faire une parenthèse sur le Holiday Special qui est sorti en 78, et on va revenir justement à ce petit court-métrage qui est produit par Lucasfilm et Lego, justement, avec Lego Holiday Special. Donc l'histoire, c'est que ça se passe après l'épisode 9, et donc Rey, Finn et toute la fine équipe, ils viennent sur le Faucon, sur Kashyyyk. Non, c'est parce que j'ai pas souvenir qu'elle entraîne Finn, moi, à un moment, c'est pour ça. Bah non, mais bon, ça aussi, ça s'est tombé de nulle part, mais bon, l'histoire, c'est que, ouais, ça commence par un entraînement à Finn, et puis ils débarquent tous dans le Faucon pour fêter le jour de la vie, encore une fois, faire une grosse bouffe, quoi, et du poulet et tout ça. Paul Dameron est ridiculisé, d'ailleurs. Finn, lui, n'est pas non plus, bon, c'est le personnage de Rey. Bah, après, c'est un film Lego, ils seront tous ridiculisés. Ouais, mais bon, il y en a qui, ils sont plus mis en valeur que d'autres, tu vois, style, quand on voit qu'elle utilise l'espèce de cristal pour les différents portails, tu fais très Endgame entre nous, mais bon. Ouais, un mélange entre Endgame et Wakfu. Donc, elle passe d'une prière à l'autre, elle tombe sur Anakin qui est jeune, elle tombe sur l'espèce de... Bon, on en parlait tout à l'heure, la course de pod et tout ça, là. Tu sais, t'as toutes les grandes scènes de la prélogie ou les scènes iconiques, de classique, quoi. Donc, il y a Luke version épisode 4 qui est bloqué dans le futur avec elle à un moment, t'as ce passage qui est énorme quand même, où elle tombe chez Kylo Ren, qui a pas de t-shirt, quoi, tu vois, je sais pas si tu te souviens de cette scène avec Hux, qui est impressionné par les abdos de Kylo Ren. T'arrives plus à parler, bon, on comprend pourquoi maintenant il y a merdé dans les autres Star Wars. Ouais. T'as même Kylo Ren qui se rappelle, il dit t'as jamais trahi personne, l'empereur, tu sais, t'as jamais trahi personne, dis-moi. Puis t'as le passage, ouais, t'as il y a Snoke qui se fait découper en deux, tu vois. Donc ça c'est drôle. Puis c'est vrai que l'empereur là-dedans, il vanne tout le monde, il domine. Pour moi, il domine ce court-métrage, quoi. Ouais, il est marrant, c'est le comique relief le méchant de l'histoire. C'est ça aussi. C'est les deux en même temps. C'est le mec qui traverse les époques, tout ça. Bon, Vador, il est un petit peu laissé un peu de côté, quoi, parfois. Ouais, il est un peu plus en retrait, mais on le voit bien quand même, quoi. Mais il essaye l'histoire, c'est que il essaie de faire des espèces de, comment on dit, tu sais, quand tu changes une période, une ligne temporelle différente. Ouais. C'est-à-dire dire qu'il recrute Kylo Ren pour devenir son second, et voilà. Puis voilà que c'est ça qui se passe. Donc elle a foutu le bordel dans le continuum dans la temporalité. D'ailleurs, entre nous, il y a aucune conséquence, parce qu'on voit en parallèle qu'il continue à fêter le jour de la vie comme s'il n'y avait aucun événement qui avait changé. Ouais, c'est un film Lego, hein, t'entends pas de la logique. Donc moi, je suis un petit peu comme le doc quand il dessine sur le tableau là les temporalités, ouais. Et tout. Ouais. Des lignes parallèles. Donc voilà quoi, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Il y a quelques vannes, énormément de fanservice. Peut-être que tu vas en parler d'ailleurs. Bah, c'est un film Lego, ouais. Donc forcément t'auras du fanservice. Ouais. Hein. Moi quand j'ai vu ce film, j'ai vu deux grandes portes qui sont ouvertes et laisser entrer le fanservice. Ah ouais, voilà, c'est complètement. Ouais, bah, t'as tout, les personnages, les X-Wing, les différentes versions de Obi-Wan, les différentes versions de Anakin, Palpatine, Vador. C'est un gloubi boulga de fanservice ce truc. C'est même le merdier, parce qu'à un moment, il tombe. Il y a un truc qui tombe, mais tu vois tous les Lego qui tombent, tellement mélangés qu'on dirait une espèce de, tu sais, comme quand les enfants ils font un peu le bordel, qu'il y a des briques partout, tu sais. C'est ça. Hein. C'est un gosse qui a ouvert tous ses boîtes Lego, il a tout jeté par terre, ils ont fait un film. Donc voilà quoi, c'est un petit court métrage pour fêter Noël quoi, tout simplement. Ouais, ça se laisse regarder, hein. Ouais. Même pour les enfants. Et pour les fans de Star Wars, je crois que ça passera bien aussi. Ah bah oui, là, il saute sur sa chaise depuis. <tout à l'heure. rire> Non, c'est pas sur ça que je. C'est pas pour ça que c'est tout à l'heure. Ouais, c'est qu'une mise en bouche. Je vais préciser parce qu'il faut maintenir le suspense. D'ailleurs, on va enchaîner directement sur la série live. Donc, on attendait avec impatience la saison 2. Elle est arrivée. On est déjà à 4 épisodes. Et on va commencer par parler du premier épisode. Donc, c'est le titre, c'est Le Marshal. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, résumer un petit peu l'intrigue, ou tu veux que je commence? Ah non, je vais te laisser faire sur ce coup-là. Je te vois que t'es en train de sauter sur ta chaise. Non, vas-y. Donc le Marshal, c'est que le Mandalorien et notre ami Baby Yoda, ils arrivent sur, ils reviennent sur Tatooine, hein, c'est ça en fait. Hein. Non, c'est pas Tatooine. Si, c'est Tatooine, il me semble. Ah, c'est pas dans le Marshal. Le Marshal, c'est le dernier qui est sorti, c'est ça? Non, c'est le premier. Ah, c'est le premier, c'est le Marshal. Avec le dragon. Oh, je m'y perds. Ah, t'as déjà oublié. Oh, les titres, je vais te remémorer les événements, c'est que. Ah non, les événements, ça va. Il arrive sur Tatooine, il arrive sur Tatooine, il arrive dans ce village parce qu'on lui dit que apparemment il trouverait un Mandalorien dans ce village, quoi. Mais en fait, c'est pas un Mandalorien, en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé une armure mandalorienne, enfin qu'il l'a racheté ou échangé. Il l'a racheté au Jawa, quoi, en fait. Au Jawa, ouais. Ouais, donc cette armure, c'est celle de Boba Fett, voilà. Évidemment. Donc déjà premier fan service, j'ai envie de dire. Ouais, elle a été réparée, hein. Ouais. Ils ont réparé le jetpack. Il a été réparé, surtout le missile qui sort, là, parce que ce missile-là, pour trouver le équivalent, c'est quand même difficile. Donc il y a une espèce de duel qui s'amorce, on va dire, dans le bar. Donc déjà l'esprit très westernien qui continue. Très western, vraiment très western. Un peu à la Clint Eastwood, tu sais. Western spaghetti. Ouais, et l'homme sans nom. Puis tout d'un coup, on va faire la paix parce que j'ai une proposition à te faire. Ah non, c'est, il arrive un truc, le sol il tremble et tout, les deux ils se regardent, de dire on va remettre ça plus tard, on se cassera la gueule demain. Et puis t'as le monstre qui arrive, quoi, qui bouge tout, et puis là il se dit tu files un coup de main, je te rends l'armure, quoi. Mais est-ce que il y a un truc, tu vas me dire peut-être que tu vas y mettre une réserve. S'il veut récupérer l'armure, il ferait pas plus vite de se débarrasser du mec, quoi. Bah si, mais sinon, et après. Puis, pas de s'emmerder. Après ton épisode, il dure 10 minutes. non, mais je crois que tu confonds, hein. C'est Yann Solo qui tire en premier. D'ailleurs, il y a cette blague dans Lego Holiday Special. Ouais, dans Holiday. Quand il y a deux versions de Solo, je te laisse tirer le premier. Je te laisse tirer le premier. Je crois qu'on va faire des allers-retours avec. Il y a des chances. Ouais. Hein. On va rentrer en paradoxe temporel aussi. Oui, il y a ce dragon énorme qui bouffe le Banta d'ailleurs. Un dragon de sable. Ouais. Et puis voilà quoi. Et puis il passe un deal. Et puis comme le Mandalorien, il s'embête un peu, il va dire je vais essayer de. Et puis il y a une alliance avec les Tusken, quoi, les hommes des sables, qui sont un petit peu mal vus par les villageois quand même, parce que ils tuent les gens. Ouais. Alors les hommes des sables sont mal vus par les villageois, parce que comme les villageois sont arrivés en. Putain, je vais encore avoir des petits problèmes avec la politique, moi. En colons, et qui sont arrivés là sans demander rien à personne. Les Tusken sont pas contents parce qu'ils arrivent sur leur territoire. C'est ça. Et les villageois sont pas contents parce que les Tusken défendent leur territoire. Donc ils arrivent avec des échauffourées. Des gens, quoi. Ouais. Donc ils sont un petit peu obligés de cohabiter parce que vu la taille du bestiau. Bah c'est Mando, hein, quand ils sont en train de jouer avec les petites figurines par terre là, qui te dit putain, t'as vu la taille du serpent. Ouais. Et là tu mets 3-4 dire ça c'est nous, ça c'est nous. Et là tu remets une poignée de caillasses derrière et dis on va appeler les villageois parce que tout seul vous allez pas y arriver. Ah c'est sûr. En fait c'est ça. Du coup, ils doivent collaborer parce que Mando, il a dit, arrêtez de vous mettre sur la gueule, les mecs, faut collaborer, sinon ça va vous bouffer. Hein. Ouais, ça va bouffer. Le monstre, c'est sûr que. Puis il y a en plus, ils attirent le. J'aime bien quand ils attirent le dragon. En fait, ils mettent un banta, tu sais, l'espèce de mammouth là. Mais en fait, le dragon, il s'en tape, il bouffe le. Il bouffe les hommes des sables. Le Tusken, ouais. Il change de régime. Donc il y a cette scène qui est assez épique, hein, faut le dire. Ouais. Ça rappelle un peu ces films, tu sais, les Chocs des Titans, les Argonautes, tu sais. Bah, ça te rappelle ça. Ça te rappelle aussi quand ils sont mangés par un ver dans l'astéroïde là, qui se barre. Ouais, ça aussi. Avec ouais. le faucon. Je veux dire, en plus, ça change un peu de voir cette bête qui est intelligente aussi. Ouais aussi. Elle se fait très maligne. Ouais, ouais. Elle se fait le maltraiter et elle repasse par le haut. Puis apparemment, c'est elle qui a libéré Boba Fett parce que elle a bouffé le sarlac. Hein. Elle vit dans un trou de sarlac. Elle mit à ton avis, c'est ça? Bah, ils le disent. Elle vit dans un trou de sarlac et dit rien ne peut déloger un sarlac. Ouais, c'est peut-être et là, tu te dis, sauf si c'est plus gros qu'un sarlac. Il a craché Boba Fett, à ton avis? Ouais. Et on en parlera de Boba Fett à la fin pour terminer l'épisode. Ce que je voulais dire, c'est que. Bon, ils mettent un piège, mais il marche pas tellement ce piège parce que normalement il devait faire exploser son abdomen, faire exploser. Mais ça fonctionne pas. Là, c'est un petit peu une accélération scénaristique, je dirais. En plus, il y a le problème, c'est que elle crache de l'acide. Mais quand elle crache de l'acide sur le Mandalorien, il y a rien lui. Elle a une armure en Beskar. Ouais, mais il y a des parties de son corps qui sont pas exposées. Non, il est complètement entouré de Beskar. Donc ça va. C'est un peu, on va dire, c'est un peu ta gueule, c'est Star Wars. On va dire ça. Il s'en sort parce qu'il y a son armure. Voilà. Ouais, moi c'était le problème de l'acide, tu vois, même quand il va dans la... Parce que lui, Il rentre dans la bête. Hein, il rentre dans la bête, donc il y a plein d'acide sur la gueule, quoi. Ouais, il fait comme Genos dans One Punch Man et le Centipede. Ouais. Hein. Donc, il y a aussi une incohérence de ce côté-là. Enfin, c'est normal, c'est Star Wars. Donc, il fait exploser le truc, le bazar, puis voilà, quoi. Ah, puis les Tusken, ils reprennent une perle, et ils sont contents. Et du coup, ils se font copains avec les villageois, après, lui, ils prennent un peu de viande. Il bouffe un morceau de... Il embarque, hein, il le bouffe dans l'épisode d'après. Pour Baby Yoda, parce qu'il y a faim le petit. Quel morphal celui-là. Donc ça finit que il y a cette espèce de référence à l'épisode 1. Tu l'as vu? Tu l'as vu le clin d'œil de l'épisode 1? Non, mais j'ai peut-être pas fait attention. Donc en fait, quand ils sautent sur les motos de jet tous les deux, il y a le Mandalorien. Déjà, j'étais trop marrant parce que t'as Baby Yoda qui aime bien en fait la vitesse, tout ça, on le voit. Et puis, en fait, la moto du Marshall, c'est en fait une partie du moteur de. Ouais, c'est une partie du moteur du podracer d'Anakin, Qu'on voit aussi dans l'idée. Tout à fait. Mais là, on voit bien parce qu'il y a une espèce de proéminence là à l'avant. Là. Mais voilà quoi. Donc de toute façon, tu peux encore une fois du fan service, t'en as tous les niveaux dans cet épisode. C'était encore assez discret, le fan service dans la saison 1, mais dans la saison 2, c'est une avalanche. C'est bien glissé. Mais qu'on termine sur une espèce de personnage un peu mystérieux, qui les regarde de loin, et on sait que c'est Boba Fett, parce que c'est l'acteur Temuera Morrison, d'ailleurs, qui jouait Django dans l'épisode 2, et comme on sait que Boba, c'est un clone de Django, on se dit, c'est Boba Fett, ça y est, on sait que maintenant il a survécu au Sarlacc, quoi. Voilà, c'était cet épisode qui est terminé. Et toi, est-ce que t'as bien aimé l'épisode? Est-ce qu'il y a des parties que t'as plus ou moins retenues? Non, moi, j'ai bien aimé l'épisode, mais j'aime bien, on va dire, ce début de saison. De toute façon, la saison, elle était bien, par quelques trucs. Je veux dire, j'aime bien, quoi. C'est un esprit western et SF. Et, on va parler de Gideon tout à l'heure. Et j'aime bien, quoi. Enfin, l'épisode est bien. Puis il y a un peu de comic relief avec bébé Yoda. Ouais, non, mais je trouve que pour l'instant, ça se tient, quoi. Je comprends pas comment ils arrivent à faire des films merdiques et des bonnes séries. Ouais, c'est vrai qu'au niveau direction artistique, y a rien à dire, quoi. Rien à dire. Comme quoi, quand ils arrivent à s'éloigner de, on va dire, des déités Star Wars, hein, c'est-à-dire Jedi et machin, quand ils arrivent à s'en éloigner, ils arrivent à faire des bons trucs. Hein. Même je trouve que quand t'as le retour de l'Empire, un peu du surplus pour moi, tu sais. Des épisodes où il n'y a pas l'Empire, c'est mieux, je trouve. Bah, c'est bien parce que du coup, tu t'éloignes du truc. Hein. Après, là, ils commencent à faire beaucoup appel de plus en plus aux fans. On verra ça dans les autres épisodes. On va le voir à partir du 2, Ça commence à faire un peu. On vous remet un petit peu. Un peu recyclé, quoi, tu vois. Non, pas recyclé parce que c'est bien annoncé. Ouais. Mais en fait, ça fait un peu plus. Les fans, on pense à vous. Salut. Hein. C'est ça, ouais. On vous oublie pas, quoi. Ah bah, attends. Ah, Disney, Lucas, on va pas vous oublier, mec. On va passer au deuxième épisode. Et là, il est fort problématique, cet épisode, pour moi. Mais tu m'avais dit que toi, tu l'appréciais plus ou moins. Donc, ils sont sur Tatooine. Et puis, finalement, ils retrouvent, en fait, la personne là, qui s'occupait de la maintenance des vaisseaux, là, qui lui dit qu'il faut aller sur telle planète, je sais plus quelle planète. Ouais, pour la grenouille, là. En guise d'intro, en fait, il revient avec sa motojet, mais il est arrêté par des chasseurs de primes, en fait. Ouais. Il y a une sacrée retour, il y a une sacrée accident, d'ailleurs, loin. Bah, lui, ça va, il s'en sort très bien. Hein. Ouais, il s'en sort bien, puis... un coup de jetpack, c'est Yoda qui roule boule-boule. C'est vrai que le baby Yoda, là, il encaisse. Hein. Il doit encaisser, là, franchement, parce que... Bah, Dieu, il a dû perdre quelques neurones, là, baby Yoda. Parce que regarde, Mando, un coup de jetpack, et il se retombe sur ses pattes. Hein. Ouais, vous comprenez pourquoi j'ai hésité maintenant. Surtout que j'ai bien aimé la ruse de faire au mec, tu sais, le mec qui se barre avec le jetpack. Le mec il dit laisse-moi l'enfant. Il appuie sur son truc, tout, et puis hop, le mec il saute. Il dit laisse-moi l'enfant et tu peux prendre ce que tu veux. Il dit je veux ton jetpack. Je l'ai vu arriver dès le début. C'est le piège, ouais. Il va pas avoir pitié là, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, pour revenir à la séquence d'intro du premier, parce qu'on l'a pas vu, j'ai beaucoup aimé cette séquence d'intro, il va vers le ring, là, tu sais, pour savoir si l'autre, il y a des infos, tu sais, l'espèce de traître, là, qui veut le tuer, après, il y a le coup magique des trucs, et puis après, il l'accroche au réverbère, là, il lui dit, c'est très westernien comme truc, hein, ouais. Il lui dit, tu ne mourras pas de ma main. Il va le laisser en vie. Ah non, moi je me suis dit, il va le tuer autrement. Il tire sur la lumière. Et t'as les bêtes avec les bêtes sauvages qui mangent. Les créatures avec les yeux rouges, il se rue dessus, quoi. Après, on va pas refaire tout le détail des épisodes. Non, mais je veux dire, cette scène d'intro était vraiment réussie, quoi, je trouve. Bah, ça fait très western. Hein. Ouais, c'est westernien, quoi. Le bon, la brute, le truc. Ouais, complètement, l'homme sans nom, quoi. Donc, une nouvelle fois, il y a du Léon, quoi. Pour revenir à l'épisode 2, donc, lui, il se barre, vers cette planète, et puis il tombe sur une patrouille d'X-Wing. Fan service. Et c'est passé le fan service. Donc, je sais pas si c'est les mêmes patrouilleurs que ceux qui ont détruit la station spatiale dans l'épisode G5. Je pourrais pas te dire. Mais bon, apparemment, ils faisaient pas de détails à la Nouvelle République. Là, ils font un peu plus raisonné, quoi. Ils vont pas tirer dessus, tu vois. Ouais, c'est leur côté Hux, ils discutent. C'est vrai, ça. Et donc, il y a ces deux-là, puis tout d'un coup, tu vois que il fait que la force soit avec vous, mais c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Je trouvais qu'il dit ça d'un coup, mais bon, ça sort de je sais pas où. Ouais, c'est un peu le Amen de là-bas. Hein. Ouais, c'est un peu le truc de la Nouvelle République. Donc, il y a ces X-Wing qui se mettent en branle, et puis il y a ces super poursuites d'enfer, là, dans les classes. Enfin, elle dure pas très longtemps, mais elle est sympa quand même. Ah, elle est sympa à voir. Ouais. Visuellement, c'est bon. Puis après, il se casse la gueule dans la glace, et puis il tombe sur un morceau de glace qui est fragile, quoi. Puis il s'enfonce dans une espèce de crevasse. Dans la bas de cave. Et c'est là que ça commence à merder un petit peu le scénario, là. Ouais, ça commence à merder au moment où Yoda, il bouffe les œufs. C'est ça. Enfin, bébé Yoda. L'espèce de gag récurrent, c'est que, on n'avait pas dit qu'en fait, il accompagnait une femme grenouille. Pour aller se faire accoupler les œufs qu'elle vient de pondre avec son mâle qui est sur une planète, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et il peut pas voyager à la vitesse de la lumière, parce que sinon les œufs résisteraient pas. C'est ça. S'il y a une pression, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Mais pas compris pourquoi non plus. Non. Toujours est-il que cette femme grenouille, ils sont prisonniers avec Baby Yoda. Baby Yoda qui est affamé apparemment, et il bouffe tout ce qu'il trouve. Bah, c'est un gourmand, hein, il mange. Donc c'était un peu agaçant cette histoire de gag récurrent où il mange les œufs, même jusque dans la dernière scène. J'ai trouvé ça assez lourd d'ailleurs. Dans cet épisode-là. Toujours est-il qu'elle se barre pour retrouver une source d'eau chaude. Ouais, bien sûr. Ah, t'es sur une planète isolée, le premier truc que tu fais, c'est que tu te barres. Ça, c'est un plus film d'horreur, tu vois, le deuxième. Ouais, donc ils arrivent vers une espèce de repère avec des œufs, qui fait très alien d'ailleurs. Et puis Baby Yoda, comme il est fort curieux, il ouvre le truc. Puis là, c'est dégueulasse, hein, franchement. Ouais, puis il mange le machin qu'il y a dedans. Il bouffe l'araignée qu'il y a dedans avec plein de trucs verts dégueulasses. Ben, c'était pas bon. C'était vraiment pas beau comme scène. Et mais le problème, c'est que c'est comme les œufs des aliens, comme dans Aliens le retour. Ouais, ça fait très aliens. Il s'ouvre et puis t'as tous les araignées qui commencent à sortir. Là. Mais il y a pas que les petites araignées. Il y a une espèce de grosse bête d'araignée qui. Alors ça fait très Ryuzon, tu sais. Ouais, et dans Star Wars Rebels, par contre, ces araignées-là, elles étaient insensibles au blaster. Ouais. Voilà, ça va. Un coup de blaster, il arrive à s'en débarrasser quand même. Enfin, à s'en débarrasser. Ouais. À en liquider quelques-unes quand même. D'accord, c'était un... Ouais, d'ailleurs, j'avais lu la même anecdote que toi. Par contre, moi, j'avais lu que dans l'Empire Contre-Attaque, il prévoyait de la montrer, cette bestiole, dans une scène sur la planète Dagobah, tu sais, où on voyait justement un concept art de Ralph McQuarrie, un artiste très connu de la trilogie, où on voyait cette bête, cette araignée blanche, qui s'appelait Krikna, d'après ce que je me souviens. Alors, à un moment, il y avait une scène où Luke devrait la rencontrer, quoi, croiser son chemin, tu vois. Donc c'était un concept parmi les nombreux concepts qui ont été abandonnés pour l'Empire Contre-Attaque. Ils ont recyclé cette idée pour ça. Là, ça marche plutôt pas mal, mais quand t'as des milliers d'araignées qui courent après toi, t'as intérêt à courir plus vite que ça, à mon avis, parce que à un moment, ils sont dans un couloir, tu sais, puis ils sont pré-encadrés, puis il fait ça, puis il balance des bombes, ouais. Alors que l'autre, elle crache des étoiles à distance, en quoi, plus, comme ça. Ouais, donc il y a une facilité aussi. Après, ils reviennent au vaisseau, bon, il est, on va dire le vaisseau c'est une ruine, c'est une épave, hein, il peut plus. Bah ouais. Pour moi, il peut plus décoller pour moi ce vaisseau. Alors on l'a vu. On va rigoler parce que il fait une petite, t'as remarqué, il fait une petite réparation avec son truc. Sans la pas souder. Il soude un circuit avant que Baby Yoda arrive pour lui dire que l'autre s'est barré. Puis tout d'un coup, le vaisseau il remarche, il décolle. Ah ouais, mais t'as l'araignée qui tombe dessus. Puis elle perfore le cockpit. Donc ils sont mal barrés parce que les araignées en plus ils sont bien rentrés dans le vaisseau. Hein. À un moment t'as cette scène qui est sous tension où t'as la porte qui se ferme et puis il doit les cramer. Ouais, quoi. Puis il y a son lance-flamme, donc il crame un peu aussi toute la pièce quelque part. Mais bon, ils sont confinés là-dedans. Ils ont pas le Covid. Mais il y a une sacrée problématique, c'est l'état du vaisseau pour moi. Puis après, t'as le Deus Ex Machina, on va dire. Ah ouais. T'as les rebelles qui arrivent avec... Les petits canards de les grosses araignées. Les grosses araignées, tout ça, avec leur petit fusil laser en plus. Et eux, les araignées vont pas vers eux. Hein. Elles vont dans le Razor Crest et tout, mais vers eux, elles y vont pas. Vas-y, merde, c'est la République en casse. Ils vont venir avec une flotte pour nous tout détruire. Ah ouais, viens, ensemble. Tu sais, ils ont été au courant de la destruction de la station spatiale, tu sais, avec les contrebandiers, là. Ah ouais. Ils se sont dit, non, peut-être pas, Ouais, on va pas les emmerder. Donc ils tirent et puis ils arrivent à Starini qui se casse la gueule, la grosse là. Ouais. Et puis voilà quoi. Puis après il dit on a enquêté finalement, t'es un bon gars quoi. Ah non, ils disent Razor Crest, t'es recherché, t'as tué pas mal de gens. Ouais, mais enfin bon, tu nous as aidé quand même. Ouais, on en reste là. Allez, salut, à plus. Ouais, c'est parce qu'il a aidé un mec, il a évité qu'un garde dans la prison spatiale, il se fasse tuer par les autres. Puis... Et en plus, il a livré les contrebandiers, là, les mercenaires, en fait. Donc il dit, bon, c'est bon, on est quitte. Ouais, donc on est quitte. L'autre, il demande, c'est là le plus marrant. Ouais. Il demande, un coup de main pour déparer. Non, puis je casse. Ils disent, tu te débires avec ton vieil épave, là, maintenant. On est déjà bien gentil, on a tué l'araignée. T'es encore gentil parce que on te laisse en vie, mais tu vas crever de froid dans pas longtemps. Donc, voilà, vous m'arrêtez ou vous m'aidez à réparer le vaisseau? Le mec dit, on t'arrête pas et il se barre. Entre nous, ça aurait été mieux de l'arrêter parce qu'au moins il se serait barré de la planète, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il arrive à redémarrer après. Mais entre nous, ils ont pas de place dans la X-Wing pour l'embarquer. Bah ouais, en plus. Ils ont pas de rayon tracteur en plus. Il y a plus grand chose à tracter. Bah, il arrive à redécoller quand même. Il arrive à redécoller. Il vient se faire transfercer le cockpit. C'est le pire de l'épisode, je trouve. Son vaisseau, il redécolle. Et puis, à un moment, t'as le vaisseau qui sort de l'orbite. Ouais. Puis t'as une espèce de barre de métal qui se barre, tu l'as pas vu? Si. Le vaisseau, il tombe en morceaux. Même quand il y a, dans l'épisode suivant, quand il atterrit sur... Donc il atterrit, ouais. Attends. Donc ça finit comme ça. Ouais. On va passer au troisième épisode qui est l'héritière. C'est direct l'héritière. Donc tu veux peut-être raconter l'odyssée du Razor Crest, là. Bah justement, il arrive au bord de la planète et il se pose sur la planète, mais il se crache sur la planète, quoi. Mais complètement, quoi. Complètement. Donc déjà, bon, les œufs, l'hyperespace, ça les gêne, mais apparemment, se cracher dans l'atmosphère, c'est pas gênant. Et puis, je veux dire, il a réussi à décoller avec un hublot percé qui est plus percé après. Parce que c'était la seule pièce pressurisable. La pressurisation, t'es bien d'accord avec moi, dans l'espace, ils respirent pas, les mecs, hein. Ah bah non. Ouais. Donc, Baby Yoda, il a dû crever, quoi. Bon, c'est pas grave. Là, donc il se crache sur la planète et puis le truc il est en ruine, le vaisseau. Au début c'est pas mal parce que il se pose juste à temps parce qu'il arrivait tellement à une vitesse. Pour ceux qui ont vu Apollo 13 de Ron Howard, c'est exactement les mêmes scènes mais avec un Razor Crest au lieu de la capsule. C'est ça, c'est le même plan. D'ailleurs c'est la fille de Ron Howard qui a fait le film, qui a fait l'épisode il me semble. Donc il arrive et puis tout d'un coup, puis t'as le Mon Calamari qui regarde et puis t'as tout d'un coup puis ça t'accueille dans l'eau. Alors il dit, je te donne des crédits et tout, mais... 1000 crédits. tu répares ce qu'il faut. Hein, ouais. Enfin, on va y revenir à ces fameuses réparations, parce que... Mais on va continuer dans le truc, c'est que... Donc elle retrouve son mari qui lui dit qu'il faut aller voir les Quarren, enfin les mecs avec les tentacules là, tu sais. Ouais, les capitaines du Black Pearl dans Pirates des Caraïbes. Les descendants de David Jones, ça, de tu David vois. Jones. Donc voilà quoi. Et puis puis là ça devient des gags. Hein. Et puis moi c'est problématique parce que c'est quand même un mec qui alerte, qui est en garde. Il baisse sa garde mais plus dans cette scène là quoi. Ah bah et puis c'est il fait confiance à mort quoi. C'est genre viens au bord, viens. T'es au bord. Ah, c'est ouais. bien le bord. Ah bah, ramène l'enfant parce qu'il y a une grosse bête qui va le... Ramène l'enfant, ça va être rigolo, tu vas voir. Ouais, ouais. Tu vas avoir une grosse bête qui va bouffer, quoi, tu vois. Ah, il était fatigué, Lando, hein. Lando, merde, Lando. Non, mais là, il y a un problème avec le personnage lui-même, quoi. Ouais, c'est facilité scénaristique. Ouais, c'est ça, c'est le problème. C'est pour que les autres, ils puissent arriver après. Il y a plus que 30 minutes d'épisode après. Donc, après, donc, Baby Yoda, il se fait bouffer. Donc la capsule, heureusement qu'il y a la capsule. Il a pensé à se protéger. Ça ouais, déjà. Et avec la force, je suis sûr qu'il aurait pu soulever la bête, mais bon. Donc il est coincé, et puis voilà. Ouais, quoi, coincé, ce qui puis il ferme la grille, les autres. Ouais. Voilà. Donc ça y est, on va récupérer le Beskar. Baby Yoda, ils savent même pas qu'il recherche et tout. Hein. Ils s'en tapent. C'est un animal de compagnie. Ouais, c'est ça. Et puis t'as le trio de Mandalorian qui arrive là. Deus Ex Machina. Numéro 1, on va dire. Numéro 1. Parce que là. De l'épisode. Hein. Ouais, attention, parce qu'il va en avoir plusieurs là-dedans. Donc il arrive et puis ils sont tous les trois en bleu là, et puis il y en a une, c'est un personnage de Rebels en fait, c'est Bo-Katan Kryze qui est joué par l'actrice Cathy Sackhoff. D'ailleurs c'est celle qui connaît Ahsoka normalement. Ouais, qui doublait aussi dans le personnage dans le Rebels. Ouais, elle doublait le personnage. Et qui est aussi Starbuck dans Battlestar Galactica aussi. Alors, si rien à voir avec une chaîne où ils vendent des cafés. Donc Battlestar Galactica, donc le reboot de l'ancienne version quoi. Et qui était aussi dans Riddick, elle faisait l'une des mercenaires, je sais pas si tu te souviens. Ah, je me souviens plus. Avec Riddick, Diesel et Batista. Riddick, je m'en souviens, mais je me souviens pas que c'était. Il y a Batista dans la version de Riddick, tu sais. Ah, oh, d'accord. Ouais, oh, donc c'est un peu c'est dans son équipe où ils se battent, tu sais, à un moment ils sortent plusieurs mercenaires, hein. Ça fait un peu Mandalorian défaut. Voilà quoi, donc ces trois là ils le sauvent et puis ils enlèvent leur masque. Donc lui il est un peu étonné parce que les Mandaloriens ils enlèvent leur masque en principe. Ouais, c'est là où t'apprends que lui fait partie d'une secte. Ouais, en fait. C'est ça, c'est la Death Watch. C'est la confrérie, c'est pas une secte, c'est une confrérie qui l'a sauvé des droïdes dans les flashbacks quoi, ouais, tu vois, quand ils sont à part de Mandalore, ouais, ouais. Parce que ils ont pas le même credo. Ouais, c'est ça, c'est autre chose quoi. Eux, ils étaient plus du côté de la rébellion quoi en fait. Ouais. Et donc elle lui dit, encore une fois, il y a une espèce de chantage, c'est « ouais, tu vas nous aider, ceci, cela », mais lui, il se barre, il prend son jetpack, il se casse. Puis après, il y a cette scène dans deux nuits, où là, deuxième erreur scénaristique pour moi, il y a avec le bébé Yoda, puis « ah, t'as tué mon frère, ceci, cela ». On va tuer ton animal de ouais. compagnie. Et puis, ouais, il va encore recommencer avec son truc. Ouais. Mais non, il y a les trois qui arrivent au même moment, puis ils les butent. Et puis là, il est obligé d'accepter parce qu'il y a une dette quand même. Ça fait deux fois qu'ils l'ont sauvé quoi. Donc l'histoire, c'est qu'ils doivent aller dans un vaisseau de l'Empire. Donc dans un vaisseau de l'Empire pour une cargaison d'armes. Et là, t'as toute cette bataille. Bon, ça fait un petit peu. Bon, en fait, de Star Wars. T'apprends que les armes, ils veulent bien les récupérer. Ils veulent récupérer le vaisseau pour avoir un petit peu plus. Ouais. Et surtout, ils veulent récupérer le sabre noir. Hein, c'est ça. Parce que tu supposes, parce qu'elle le dit jamais. C'est ça. Et quand elle dit que c'est le symbole, à dire des chefs sur Mandalore, quand tu dis voilà, c'est le sabre noir de Sabine. D'accord. Celui qui a été récupéré par Moff Gideon, quoi. Ouais. Qu'on voit en à la fin de la saison. Ouais. Qui dit, faut buter les officiers parce que faut pas qu'ils récupèrent le vaisseau vivant, quoi. Il faut le cracher, quoi. Et là, t'as cette scène de suspense où ils sont dans le couloir une fois de plus. Et ça rappelle un petit peu l'épisode avec dans la prison spatiale, tu sais. Ah, moi, ça me rappelle plutôt l'épisode où Dark Vador est en train de péter la gueule à tous les rebelles, tu vois. Ouais, c'est pas ça que moi j'ai. Là, c'est les troopers qui deviennent attentifs et puis c'est Mando qui arrive avec son Beskar et puis qui se fait tirer dessus puis qui. Il balance ouais. une bombe et tout le monde y crève. Ouais, ouais. Là, il fait un peu le commando suicide, hein. Il se lance et. Bah, il sait qu'il y a lui qui a la meilleure armure, quoi. Ouais, ouais. La scène d'action dans le vaisseau, je trouve qu'elle est pas mal faite. Ah, elle est bien faite, hein. Il y a un bon suspense, il y a un bon montage, c'est carré, quoi, on va dire. C'est bien tourné. Ouais, hein. Ouais. Puis bon, voilà, quoi. Puis t'es pris dedans. Ouais, complètement. Puis t'as les Stormtroopers qui jouent toujours aussi mal. Ouais, bah, j'espère que quand ils vont pisser, ils en mettent pas trop à côté de la couverture. Donc voilà, quoi. En même temps, c'est un peu difficile de viser avec un gros casque comme ça, avec une visière aussi. Oui, puis avec une armure qui sert à rien, parce qu'apparemment, tu te prends un caillou d'Ewok, tu meurs. Tu te fais assommer par un simple flingue, quoi. Ouais, déjà, ils ont été un coup de tronc d'arme, ouais. Comme quoi, le matériel de l'Empire, c'est un peu de la merde, quoi. Ah bah, c'est ce qu'ils disent dans le quatrième épisode, d'ailleurs. C'est la ferraille, je sais pas quoi, La ferraille de mauvaise qualité de l'Empire. Il y a cette scène. Ils arrivent quand même à redresser le vaisseau à temps. Donc, il y a un bon suspense qui se crée aussi. Puis, finalement, elle honore le deal. En disant que il faut que le Jedi qui recherche, je sais plus. Je me rappelle plus le nom de la planète. Enfin, le Jedi, c'est Ahsoka Tano. C'est un personnage qui est apparu dans Clone Wars. En fait, c'est la Padawan d'Anakin Skywalker dans Rebels, dans Clone Wars. Elle est revenue aussi dans Rebels, d'ailleurs, Ahsoka Tano. C'est un personnage qu'on verra d'ailleurs dans un prochain épisode. Et ça se termine comme ça, quoi. Enfin, ça se termine comme ça, oui et non, parce que quand il revient à son vaisseau, je sais pas si les réparations ils ont été faites vraiment avec des bouts de ficelle, quoi. Ah bah littéralement parce que c'est rempli de bouts de ficelle. Mais c'est tout juste, il peut s'asseoir dans son cockpit, quoi. Ouais. parce qu'il y a des ficelles partout. Il y a des filets de pêche, des ficelles. À l'extérieur, à l'intérieur. Ouais, à l'extérieur. Tu peux mais il traverse l'atmosphère, il n'y en a plus de son machin. Je sais même pas si la vitre, elle était réparée en plus. Mais le pire, ouais. C'est que son truc est tout pourri, il tombe en ruine, encore plus qu'avant. Ouais. Et il passe en vitesse lumière. Et ça, c'est le final, ça. Et il passe en vitesse lumière. Donc, la vitesse lumière, il y a quand même une espèce de pression sur la coque. T'es d'accord avec moi? Donc, le truc aurait dû se disloquer dans l'espace. Ah, bah, littéralement, ouais. Non, impeccable. Donc, c'est vraiment, ta gueule, c'est Star Wars, quoi. Ah, ouais, là, ouais. Littéralement, hein. Non, c'est catastrophique. Je pense que, là. Ah, le réseau Crest et le Faucon Millennium, c'est très solide. Autant les vaisseaux de l'Empire, ils prennent un coup de blaster, ça explose. Mais alors, le Razor Crest et le Faucon Millennium, non, impeccable, nickel. Ouais. Non, les Razor Crest avec les ficelles, ils volent encore, quoi. Ça, c'est... Ils volent encore mieux parce qu'ils arrivent à passer en vitesse lumière. Encore pire que la fin du 1, quoi, je trouve. Que la fin du précédent épisode, tu vois, là. Où t'as un bout de ferret qui vole, quoi. Donc là, on va passer au quatrième. Donc, c'était diffusé hier pour notre chronologie. Oh, quel épisode. Peut-être le meilleur de toutes les saisons, mais bon. Voilà, donc lui, il revient sur Navarro, sur Nevarro, la planète qu'on a vue 2-3 fois dans la saison 1, hein, où il y a Cara Dune et Griff Karga qui l'accueillent. C'est là où il y a le robot qui se sacrifie aussi. Ouais, IG-11, ouais. Et Quill aussi, il y a Quill qui est mort aussi. Peter Quill. Donc Quill, le petit Quill qui nous manque beaucoup, hein, c'était un beau personnage aussi celui-là. Donc lui, quand il veut ouvrir le sas arrière, ça souffle qu'à moitié. Donc il a oublié de sauter avec Baby Yoda. Baby Yoda, dans le précédent épisode, il était pas trop fan de service, hein, à part quand il bouffe un calamar, là, je sais pas quoi, là, il y a un calamar qui lui saute à la tête, ouais. Bah, c'était la suite de la scène Alien qu'il y avait juste avant, quoi. Il dit ne joue pas avec la nourriture. Puis au moins, t'as une espèce de pieuvre dans le cockpit à la fin du troisième, là, puis tu sais. Mando, il l'attrape au vol. Puis l'autre, il bouffe. Vu qu'il bouffe tout, lui. Apparemment, il y a un estomac à l'épreuve de tout, lui, hein, quand même, le Baby Yoda. C'est vrai que je parle beaucoup, mais, toi, tu donneras ton avis global sur Je suis moins fan que toi, hein. C'est pas moi qui saute sur ma chaise. C'est pas moi, c'est pas toi qui jubile. Ouais, mais là, ça va être encore pire que tout, là, parce que là, faire un épisode à part. T'arrives sur Nevarro, donc qui est accueilli par ses deux compagnons, et puis, encore une fois, bon, il lui demande un service, parce que le mec, quand il arrive, apparemment, c'est toujours intéressé, hein. On lui dit pas, c'est sympa, tu viens pour voir le verre. Non, j'en ai besoin de toi, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, pour réparer son vaisseau. Ouais, et puis en plus, il dit, faut réparer le vaisseau, donc, faut y aller, quoi, parce que c'est vraiment une épave, quoi. Là, je sais même pas s'il peut redécoller, là. Donc, ils vont faire cette espèce de mission qui est encore une fois dans une espèce de base. Une base secrète de l'Empire. De l'Empire qui a été apparemment désertée, mais pas tant que ça. Et là, c'est vrai qu'ils découvrent un peu l'arrière de l'Empire. C'est-à-dire, il y a une espèce de laboratoire avec des sortes de clones, je crois. Je me demande si c'est pas lié à Snoke ou à Palpatine, un truc comme ça. On voit pas bien dans ce qu'il y a dedans, donc. En tout cas, c'est complètement déformé, tu sais. Ça rappelle un peu ce laboratoire qu'il y avait dans Alien 4, tu sais, avec les fœtus déformés et tout. Je sais pas, tu l'as vu, Alien 4? De toute façon, tous les films, pour l'instant, ils font un peu Alien. Ouais, un peu Alien. Que ce soit l'araignée dans son œuf, le calamar qui saute à la gueule, ou les tubes de clones. Ouais, c'est ça. Donc voilà, quoi. Puis, t'as déjà, pas mal de scènes d'action avec les Stormtroopers, ça fusillait de tous les côtés, t'as le retour du Grand Bleu, là, le Mitrol, là, tu sais, que tu dans le premier épisode. Avec les carbonités. Lui, c'est le, comment on appelle, tu sais, le personnage qui est marrant, le comic relief. Ouais, c'est ça, en fait. Il arrête pas de lui dire, écoute, je vais te mettre 50 ans en plus, hein, si tu fais pas ça, tu vois, à chaque fois, il y a un cargo qui lui dit, je t'enlève 50 ans, je te remets 50 ans. C'est le chantage, quoi. Ouais, quand même. Donc le mec, il est un petit peu peureux, quoi. Finalement, il accompagne quand même. Puis finalement, c'est tout un enchaînement de scènes d'action. Puis après, c'est vraiment l'explosion, quoi. Il se barre avec cette espèce de véhicule qui, déjà, il se jette. Parce que le véhicule, il se jette d'une falaise. Donc c'est un peu risqué, quand même, déjà. Ils arrivent quand même à aller entre lui et les crevasses. Puis c'est génial, quoi. T'as les scouts bikers qui arrivent, là, petit. Oh, je vais le perdre. je vais me mettre sur pause, il va faire la suite. Hein. Puis là, t'as les scouts bikers, là, puis t'as qui se plante déjà d'entrée, quoi. Ils tombent, puis ça explose. Puis il en reste plus que deux. Mais ils sont un peu cons parce qu'ils se mettent sur le côté en plus. Mais bon, je trouve que c'est ridicule parce que ils ont juste à faire zut. Il y en a quand même un qui grimpe sur le toit et là je suis un peu le truc de dernière minute aussi avec le camion là parce qu'il tirait que le canon cargo. Ils réussissent quand même à débarrasser des scoot bikers. Mais là le fanboy a été en extase après parce que t'as le bruit significatif de l'alerte noire, l'alerte impériale. L'alerte impériale. Putain, beau TIE Fighter qui décolle et puis... enfin, je vous fais pas le bruit, mais vous avez reconnu. Puis là, t'as une super poursuite, un peu à la l'étoile noire, tu sais, quand ils sont poursuivis dans les crevasses, là. Comme dans Star Wars, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, je le tiens plus, là. Le mec en extase, quoi. Je l'ai repassé deux fois cette scène parce que j'ai trouvé magnifique. Puis après, t'as un petit peu le Deus Ex Machina, hein, quand même, parce que ils perdent leur canon. C'est comme le Faucon Millenium avec Luke, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement pareil. T'as le canon, ils perdent leur canon. Wouh! Et puis, tout à coup, t'as la Razor Crest. Alors, il flambant comme neuf, hein, le vaisseau. Ah ouais? Allez, 2 heures de temps, ils ont réparé le truc. Ouais, s'ils sont plus doués qu'un calamar. C'est pas que les temporalités, si, à mon avis, il y a quand même plusieurs jours entre deux, mais bon. Mais, c'est vrai que... Il y a pas plusieurs jours. Ils mettent Yoda à l'école. On est d'accord. Alors, on va parler de cette scène à l'école aussi. Ils partent en mission. Ouais. Et après, ils se disent, merde, il y a peut-être Moss Gideon dans le coin. Et ils retournent à l'école. Ouais. Il y a pas plusieurs jours, hein. Il y a à peine plusieurs heures. Surtout qu'ils disent bien qu'il y a que 10 minutes avant que la base, elle explose. Donc, il y a pas plusieurs jours, hein. Donc, ça veut dire que les mecs en 2 heures max, ils arrivent à réparer la Razor Crest. Non, mais en fait, ils ont fait un échange standard. Ils ont pris, ils en avaient un dans le coin. Ils ont dit, tiens, ils ont été voir le studio d'ILM à côté. Ouais, ils ont dit, remettez-moi ça à neuf. Non, mais c'est incroyable comment le truc. Mais il y a les volets, tout marche. Tout est fonctionnel, hein. Il y a plus un truc qui se barre, tu sais, pas une plaque qui vole. Même le métal, il est plus dégueulasse, on dirait qu'il est poli tout neuf. Ouais, c'est ça, en plus, on dirait qu'ils ont même poncé, tu sais, pour que... Ouais, ils passent un coup de lustrage et tout. C'est pas si... Ce fait, il fait une poursuite, il tourne. Putain, Baby Yoda qui crache le truc parce qu'il a volé un paquet de gâteaux à l'école. Nausée, ouais. Mais c'est un voleur, Yoda. C'est un voleur, hein, quand même. Un voleur et un morphin. Tu me donnes un morceau, tu me donnes un truc. Un gâteau. Ça, je l'ai vu arriver de loin, quoi. Ah bon, qu'elle ait utilisé la force. Utilisé la force pour voler un gâteau. Ouais. Pour voler un paquet. Il laisse même pas le reste au gamin. Il dit, je vole le paquet, puis tu te démerdes, quoi, tu vois. Donc voilà, cette scène à l'école est un peu marrante, mais bon, tu le vois arriver de loin. Puis voilà, quoi, ça finit un peu comme un épisode, ils s'en sortent, lui, il se barre, puis, il va certainement aller voir cette planète où il y a le Ahsoka Tano. Et là, t'as encore une fois le plan de la mort qui tue, quoi. Bah ouais. Le vaisseau, c'est carrément c'est le Star Destroyer, quoi. C'est un destroyer impérial. Qui arrive, comme dans le premier, dans l'épisode 4, quoi. Il arrive comme ça, en au-dessus, quoi. Ouais. C'est le plan de référence. Après, t'as l'officier impérial qui est une femme. T'apprends qu'il y a un mouchard, en fait. Un mouchard dans le Razor Crest. T'as le gars qui... Qu'est-ce que tu fais quand t'as mis un mouchard dans un vaisseau? Ouais. Bah, t'attends un petit peu avant d'aller. Un peu comme Boba Fett et le Faucon Millennium dans l'épisode 5. Un peu comme Hux avec un TIE Fighter qui attend, j'arrive pas à te joindre. À l'Empire, c'est pas des flèches. Hein. Et puis, tu te rends compte, que c'est le vaisseau de Gideon, quoi. Et puis, il y a une espèce de truc bizarre, c'est que, à la fin, tu vois des espèces de... Alors, on sait pas si c'est des clones, des robots. Des armures, tu sais. Des armures, des clones, des clones de Phasma. Non, merde, c'est largement avant. Non, c'est bien avant. Non, tu sais pas ce que c'est. Mais est-ce que ça va pas trancher avec la trilogie? Parce qu'on en entend jamais parler de ces espèces de soldats, là. Bon, peut-être dans Clone Wars ou des trucs comme ça. Hein. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Là, j'ai pas tout vu. Donc, il y a un nouveau mystère qui se crée, puis t'as le retour de Moff Gideon, quoi. Moff Gideon on se demande s'il va pas commettre une nouvelle connerie, quoi. Il va pas dire, bon, maintenant, t'as 24 heures pour me livrer l'enfant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sinon, on détruit ton vaisseau, quoi, tu vois. On sait où il est. Bon, on va attendre. Ça avait bien réussi la première fois. Au lieu de le suivre, de l'intercepter tout de suite, d'envoyer les tailles pour l'intercepter et de le prendre par surprise. Bah non. Ah bah on va attendre. On va attendre un peu. Donc ouais, ça fait... Faut bien aider le scénario. La deuxième erreur de Gideon, quoi, quasiment, quoi. Voilà, bon, ça se termine comme ça. Bon, c'est mon épisode préféré. Avec le troisième épisode de la saison 1. Celui où, justement, il va chercher l'enfant et qu'il y a tous les Mandaloriens qui viennent l'aider à la fin, tu sais, là. Celui-là, il était vraiment génial, cet épisode. C'est que le côté fait appel aux femmes qui l'a. Mais sinon, sur les quatre épisodes, bon, il y en a trois qui sont corrects. Il y en a un qui est un peu moins bien, quoi. Bon, après, ça peut pas être constant non plus, mais je veux dire, dans l'ensemble, ça se laisse bien regarder. Ouais. Est-ce que tu veux un petit peu exprimer ton avis? Parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais avec toi qui avais des trucs à dire. Hein. Bon, à part que c'était bien, que t'arrives à suivre, que c'est bien un western, ouais, que j'arrive à mélanger les genres, j'ai pas d'autre chose à dire. Mais t'as pas, au niveau scénario, y a pas beaucoup de surprises, quoi, on va dire. Bah, c'est normal, hein, ça reste un scénario Star Wars. Ouais, puis y a pas de fil rouge, quoi, je veux dire. Tant qu'ils suivent pas à 2000 km, et qu'ils attendent 45 minutes avant de lancer un vaisseau en pleine lumière sur eux. Ouais, moi, ça me va, le reste. Ouais. Mais, disons qu'il y a le fil rouge, il y a un peu, il s'étale un peu, quoi. Bah, ils sont obligés, ils peuvent pas faire une saison de 4 épisodes, ça va être compliqué. Bah, là, on est déjà à mi-épisode, il y a pas encore trop, il y a presque trouvé la Jedi. Mais en fait, est-ce qu'il va vraiment la trouver? Est-ce qu'elle va vraiment accepter de prendre en charge le petit? Ça, tu sais pas, c'est voilà, pour quoi. Après. En plus, il y a cette relation entre lui et l'enfant qui se développe quand même, parce que lui, il y a un esprit paternel envers lui. Ah, tu vois, un orphelin. Ouais. Mais avant, il n'y avait pas ce risque paternel dans la saison 1, quoi. Si, ça vient dans la saison 1. Il y a, il dit, je vais le ramener à sa famille, et il dit, il faut aider tous les orphelins dans la saison 1, c'est ce qu'il dit. Mais là, il considère quand même un peu comme son fils, quoi, quand même. Ouais, je sais pas, son animal de compagnie. T'es pas affirmatif comme moi, quoi. Ouais, enfin là pour l'instant il a juste une mission à remplir. Il a son credo, quoi. Mais il est en train de s'attacher quand même, il s'y attache quand même, quoi. Ouais, t'es allé la voix. Hein. Ouais. Là je l'ai sorti. Hein. Ouais, t'es allé la voix, mais bon, je sais pas, il est prêt à sacrifier quand même son armure, sa vie pour lui, quoi. Bon, ouais. On voit quand même. Alors il y a un côté marrant aussi, c'est quand il est dans les coursives en train de réparer les fils. Ouais, et qu'il se prend une joute. Ouais, il dit. Faut mettre le rouge avec le vert, hein. Faut pas. Ça fait bébé Groot, hein. Ah, complètement. Ah, complètement. Puis après, Milot, il se prend une joute. Et il est encore vivant, d'ailleurs, mais bon. Ouais. Bon, après, je pense qu'il faut attendre comment ça tourne sur la suite. Ouais. Mais est-ce que. Puis ça peut pas être constant. Est-ce que ça va pas être un petit peu redondant après d'avoir Baby Yoda en permanence? S'ils font une saison 3 avec Baby Yoda, par exemple? Parce que si c'est pas résolu à la fin du 8, on verra comment ça tourne. Je peux pas te dire. Pour l'instant, c'est que des suppositions. Ouais, mais bon, mais est-ce que toi, tu dis, faudrait peut-être pas renouveler un petit peu avancer dans la saison 3? Je vais me répéter, hein. Je verrai. Qu'est-ce qui tourne à la suite? Mais t'as pas d'attente pour la saison qui va arriver, quoi. Non, j'ai pas d'attente. Non, pas du tout. Moi, je veux juste quelques explications sur c'est quoi tous ces trucs, mais c'est tout. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont posé une base, et maintenant, t'as envie de savoir c'est quoi le projet de Gideon, quoi. Voilà. Allez, on va peut-être couper le passage. Je vais le remater, je crois. On va peut-être couper le passage sur Mandalorian. Je veux dire, on va peut-être passer à autre chose. On a combien, là? Bon, là, on est à une heure d'enregistrement. Ouais, t'as fait on bientôt 40 chose, minutes de Mandalorian. La dernière partie qu'on voulait aborder, c'est... Allez, on va passer à autre chose. Ainsi ai-je parlé. Pour revenir un petit peu, faire un hommage à Sean Connery. Voilà, vraiment... Cet immense acteur, quoi. En express qu'on a Sean Connery, qui est mort quand même à l'âge de 90 ans. Ouais. Qui était aussi vieux, et pourtant, quand tu réfléchis, en fait, les James Bond, c'est quand même il y a très longtemps. Hein. Bah écoute, aussi, il est né en 1930, c'est pas grave. Et donc, le premier James Bond, il l'a fait, il avait 32 ans déjà. Donc, voilà. Ouais, c'était pas un jeune premier, c'était pas non plus un vieux, mais. Non, mais bon, c'est vrai qu'il était déjà svelte et tout, athlétique. C'est pour ça un petit peu qu'il avait été choisi pour le rôle de James Bond, parce que il y a eu pas mal de candidats quand même. Mais, James Bond, donc, 6 films en tout, plus un film qui est non officiel, c'est jamais, je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Moi, ouais, je serais pas de dire. Moi, les titres de James Bond, ça commence à faire quand même beaucoup de titres. C'est un film, en fait, où il est mis en retraite et il fait une dernière mission avant effectivement de prendre sa retraite, quoi. Non, mais je n'ai pas souvenir. Donc c'était pas un James Bond officiel, parce qu'à la même année il sortait Octopussy avec Roger Moore, donc on est dans des temporalités qui sont différentes, tu vois. C'était un James Bond Cinematic Universe. Un remake d'Opération Tonnerre, en fait, jamais plus jamais. Donc, il y a ces 6 James Bond qui sont assez cultes, mais Sean Connery, c'est pas que James Bond, mais je vais peut-être te laisser un petit peu parler des films que t'as vus avec lui, des rôles qui t'ont marqué, quoi. Forcément, moi, quand on me parle John Connery, quand on me parle Sean Connery, le premier truc que je pense, déjà, c'est son mariage avec Aretha Franklin. C'est comme ça fait Aretha Connery. Ça, le jeu de mots, c'est fait. Celle-là, elle est classique, celle-là. Voilà, celle-là, c'est fait. Non, moi, ce qui me revient, voilà, premier, c'est James Bond, forcément. Après, moi, c'est Highlander. Je suis désolé. Avec notre ami Christophe. On le refait tout à l'heure. Ouais. Après. Et Highlander 2, le retour, tu oublies. Après, c'est Quatermain. Le gros nanar de la sélection. Et après, c'est Quatermain dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Ouais, mais c'est pas glorieux quand même. Ah, c'est pas glorieux. Après, c'est le film avec Catherine Zeta-Jones, Haute Voltige. Ouais. Tu m'avais parlé de The Rock, mais celui-là, je l'ai pas vu. The Rock avec de Michael Bay avec Nicolas Cage et Ed Harris, dont on a parlé la dernière fois. Voilà, et puis après, c'est des films toujours où il a une prestance écossaise, dans Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple, où il fait le super méchant qui contrôle le temps. Ah ouais, c'était un gros nanar, ça. Que pour Sean Connery, ça vaut le coup de le voir. Ouais, parce qu'il cabotine particulièrement dans ce film. Il cabotine, mais je veux dire, voilà, Sean Connery, c'est le mec, puis aussi dans Indiana Jones. C'est le père d'Indiana Jones, hein. Voilà, C'est le mec dans Indiana Jones où j'ai été voir Indiana Jones 3. Ouais. Parce qu'il y avait Sean Connery. La dernière croisade. Voilà, dernière croisade parce que t'es là. Et c'est lui qui sauve le film, je suis désolé. Harrison Ford, il est pas bon. Le scénario, il est pas mauvais non plus. Mais le scénario, il est pas mauvais, mais. Disons qu'il arrive à se mettre au même niveau que le premier parce qu'il y a Sean Connery, tu vois. Bah ouais. Moi, je prends c'est pas le meilleur, hein, je te l'accorde. Toi, tu préfères le premier ou le troisième? Ouais, le troisième est quand même plus rigolo. Non, c'est le 4 que t'aimes bien, toi. Il n'y a pas de 4. Il y a que les 3 épisodes. Le 4, il est en prévision, ils n'ont pas encore tourné. Donc, les aventures de l'âge perdu, la dernière croisade, on a un peu du mal, quoi. Ouais. Et pour moi, voilà, Sean Connery, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait des rôles iconiques et puis il a fait des rôles un peu moins iconiques. Ouais. Alors là, moi, je vais citer quelques films, quoi. Style La Poursuite d'Octobre Rouge, je sais pas si tu te souviens aussi, de ce film. Ouais. Et de John McTiernan. Il y a aussi L'Homme qui voulait être roi avec Michael Caine, de John Huston par exemple, un grand film d'aventure. Il a joué dans Les Incorruptibles avec Kevin Costner. Donc Les Incorruptibles de Brian De Palma avec Kevin Costner. Donc un rôle pour lequel il a remporté un Oscar. Il a fait pas mal de films avec Sidney Lumet, donc c'est beaucoup de films un peu de thriller, de polar. Vraiment, c'est un grand. Et il a fait aussi Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano. Je sais pas si tu connais ce film. Alors, je l'ai pas vu. Tout le monde en a parlé. Je l'ai jamais vu. Puis, il s'est un petit peu essayé dans la science-fiction. Alors, il a fait Zardoz. Alors, c'est un petit peu kitsch, hein, comme film de science-fiction. C'est du John Barman. Il y a Outland de Peter Yams aussi. Et puis, il y a un film de catastrophe, Météor. Alors, c'est l'histoire d'une espèce d'astéroïde qui va vers la Terre et puis... Armageddon? Non, mais c'est beaucoup mieux qu'Armageddon, même si au niveau visuel, c'est un petit peu mal vieilli. C'est Deep Impact, alors. Il y a même cette scène avec une météorite qui arrive entre les deux tours, tu sais. Oh, ouais. C'est hyper primeux. À l'époque où il y avait encore les deux tours. Donc, mais c'est super bien fait, tu sais, pour l'époque. Moi, j'ai trouvé que c'était un super... Puis, ouais, son dernier film, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors, on en parlait justement parce que le problème de ce film, c'est que son manque de fidélité par rapport au matériau d'origine d'Alan Moore. Maintenant, ils peuvent se le permettre parce que, je ferais te dire, le matériel d'origine d'Alan Moore, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Hein. Non. C'est vraiment assez confidentiel. Ouais, ouais, c'est Alan Moore, c'est plus Watchmen, quoi. Et encore, Watchmen en France, c'est moins confidentiel, mais les gens, c'est DC et Marvel, hein, en général. Il n'y a rien autour, hein, donc à part Spawn, mais sinon... Bah, Alan Moore, c'est plus de du comics pour adultes, hein, faut le dire. Hein. Ah, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, la BD, elle est pas pour les enfants. Il y a des trucs assez hard, hein, quand même. Quand même L'Homme Invisible qui se fait bouffer, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai entendu parler de L'Homme Invisible qui était un petit peu très, très salace, quoi, ouais. Ouais, puis qui est traître aussi. Vraiment, tu comprends pourquoi dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ils croient que c'est l'homme invisible traître parce que c'est le cas dans les BD. Ouais, parce que c'est vraiment véritablement le salopard, quoi, de l'histoire. Là, je crois qu'il faut le lire, hein, plus que voir le film, pas, parce que j'ai pas aimé, le hein. film, j'ai pas aimé t'as pas les... aimé le, non. T'as trouvé que c'était nanar? Le film, j'ai aimé. Ouais. Mais pas les BD. Hein. Le comics, t'as trouvé que c'était trop sombre? Ah ouais, ouais. Puis avec les microbes de docteur, je sais plus comment, là. Docteur Jekyll? Qui fait des animaux, d'expérience sur des animaux. Ah, tu sais, le docteur Moreau? Ouais, docteur Moreau. Ouais, docteur Moreau, ouais. Ouais, ça mélange tous les styles. Ah ouais, ça avec mélange la guerre des mondes. Tous les personnages de la littérature fantastique, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça mélange trop. Je t'as peux pas Jekyll, t'as l'éventreur, tout ça, là. Ouais, puis t'as même les robots de la guerre des mondes, des trucs comme ah ça. Ah oui, c'est ça, j'ai Wells. Les aliens. Donc, du coup, non, c'est quelque chose qui m'a pas plu, quoi. Ouais, donc le film, apparemment, il y a eu beaucoup de friction entre le réalisateur et Sean Connery qui a voulu imposer ça. Sean Connery était on va dire qu'il était forte tête sur certains tournages. Il aimait bien partager plus ou moins ses idées. Il avait fait il s'était très bien entendu avec Steven Spielberg, hein, c'est pas le problème. Mais avec certains jeunes réalisateurs, il était plutôt tendance à rechigner certaines choses et apporter un petit peu son grain de sel pour améliorer son personnage. Et là, c'était sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'était pas du tout entendu avec le personnage. Qui, peut-être que le réalisateur voulait faire quelque chose de plus sombre. Et que là, on était plus dans le film un peu le film d'aventure un peu à la, des années 80, quoi, tu vois. C'est un film d'aventure. Ouais, c'est pas un film trop sombre. Faut complètement le séparer de, voilà, du comics, quoi, tu vois. Puis après, non, j'allais dire un truc, mais c'est une connerie. Ce sera le mot de la fin. Non, bah, je pense qu'on peut conclure de ce côté-là, mais voilà, quoi. Bon, il y a tellement, tu sais, il y a le mec, il y a quand même eu 60 ans, près de 50 ans de carrière. Il y a tellement une filmographie à redécouvrir. Il y a eu 50 ans de carrière filmographique. Ouais. Il y a eu du théâtre avant, comme tous les acteurs anglais, de toute façon, avant d'arriver au cinéma à cette époque. Puis, je veux dire, voilà, il y a quand même des trucs marquants, hein, qu'on se souviendra de lui pour ça, surtout les Indiana Jones ou les James Bond, et puis voilà. Une dernière petite anecdote, c'est qu'il a refusé le rôle de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'accord. Ça, parce que soi-disant que le scénario le plus époque. Comme quoi on peut passer à côté de trucs. Ouais, donc c'est Ian McKellen qui a récupéré le bébé, quoi. Notre ami Magneto des X-Men, quoi. Voilà, quoi, pour un petit clin d'œil à Sean Connery, parce que c'est quand même un grand acteur qui nous a quittés, quoi. Puis on va terminer par vous connaissez un petit peu le leitmotiv de notre podcast, donc on termine par rappel avec le commentaire ou qui va bien sur Facebook ou sur Twitter par exemple, puis n'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez bien aimé quoi. Ah, n'hésitez pas à partager parce que bon, maintenant on se met sur YouTube, donc partagez le lien, YouTube, partagez la vidéo. Puis on a déjà beaucoup d'abonnés. Oh là là, deux abonnés. Donc si vous pouvez nous aider de ce côté-là, ce serait sympa aussi. Voilà, puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, savoir ce qu'on pourrait améliorer dans le débat ou... Ouais. Il y a des thèmes que vous voudriez qu'on aborde éventuellement. Aussi, ouais. Surtout par cette période de Covid, il n'y a rien qui sort au cinéma. Parce que là, c'est vrai qu'avec le Covid, bon, apparemment, il y a Wonder Woman qui devrait sortir d'ici le 25 décembre. Donc simultanément dans les salles et sur HBO Max. Voilà, US, en US, hein, bien sûr. Ouais, et le 26 sur un fichier. Fichier Up2Box, attention. On va se faire dilapider, là, je le sens. Ça va, vous êtes que deux abonnés. Exploser. Voilà quoi. Mais je voulais terminer, et puis on réserve une petite... On parlait d'Indiana Jones, justement, puis on vous réserve une petite surprise dans les prochains mois, quoi.